ser tú es nunca vivo no le se paguen de pa' un til lo pilon pil monti la vie nous bouleversé l'amour nous si fragile mais pas ça mon pédi paraît pour casser pour nous réfléchir avant nous faire Avant nous faire bêtise, yes bêtise. Nous payons de ça. Faut pas nous faire bêtise, yes bêtise. Non, avant il trop tard. Avant nous faire bêtise, yes bêtise. Nous payons de ça. C'est vrai, nous pas ni de temps. Trouver un petit moment pour nous parler de nous. Nous tellement rechipés. Ça y est, nous adorer, ou bien pour t'aimer.